Et c'est l'heure de la chronique Technologie de l'information avec Raymond Poirier. Salut Raymond. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ben, ça va très bien. Raymond, aujourd'hui, en fait, il va y avoir une conférence ce soir à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Et ça va parler des cultures numériques. Exactement. En fait, la question de départ de cette conférence, l'intitulé de la conférence, c'est « Quel avenir pour notre société à l'heure du numérique? » Et question de nous apporter des perspectives de réflexion autour de ce thème-là. En lien avec ce thème-là, eh bien, on a convié le titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques ici à l'Université Laval, M. Milad Douéhi. Et question de mettre la table peut-être ce matin pour la conférence de ce soir à 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Eh bien, donc, on va pouvoir discuter avec lui. M. Douéhi, bonjour. Bonjour. Bonjour. Et d'emblée, en fait, se demander où va notre société, quel avenir pour notre société, c'est à propos dans le contexte où on est en pleine mutation sociale présentement. Oui, absolument. Il va de soi qu'on est tous d'accord que la culture numérique, surtout avec la sociabilité, modifie de manière assez importante et même radicale le rapport social, le lien social, la manière dont on fait société. Et quand on parle de culture numérique, peut-être petite définition. Alors moi, je définis de manière assez simple ces cultures parce que c'est quelque chose, le numérique, les pratiques qui sont associées à l'environnement numérique actuel, modifient notre regard à la fois sur notre héritage et le patrimoine, mais également à ce qu'on est en train de faire dans le quotidien, que ce soit dans le privé, le confidentiel ou le travail et le professionnel. Et ça englobe un peu tout ce qui est technologique, tout ce qui est numérique, de la machine à l'usage qu'on fait de la machine. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain au cœur de l'informatique, ce qu'on peut appeler, pour, quant à moi, le numérique. C'est comment l'humain à la fois subit, mais en même temps modifie, contourne et détourne pour vivre avec tout ce qui est numérique aujourd'hui. Et nécessairement, je veux dire, le numérique actuellement est omniprésent, donc c'est indissociable qu'il ait des impacts sur nos manières de vivre, sur nos manières de faire. Ah, il est évident qu'on n'a plus... presque plus vivre sans le numérique, en tout cas dans nos sociétés occidentales, disons, il va de soi que cette tendance va s'accentuer et devenir de plus en plus importante. Moi, je vais même plus loin dans ça. Il me semble que presque toutes nos activités sont en cours de se numériser. Et l'interface essentielle à ce qu'on produit, que ça soit dans le professionnel, économique ou social ou même culturel, va se passer plus ou moins dans un cadre qui est numérique. Et quelques exemples, justement, de ces mutations, de ces changements? Écoutez, l'exemple le plus simple, c'est la mobilité et la convergence entre les réseaux cellulaires et le réseau Internet qui nous a permis d'être en accès permanent à tout ce qui est numérique et qui, en même temps, a modifié la manière dont on vit notre quotidien. Avant, on était dans un partage entre le professionnel ou même quand on était à la maison avec notre ordinateur et notre accès, alors qu'aujourd'hui, on est dans un accès permanent vers ce qu'on peut appeler, entre guillemets, virtuel ou numérique. Et du coup, cette mutation modifie de manière assez significative la façon dont on conçoit à la fois son identité, son rapport avec l'autre, en rapport avec la collectivité et en même temps la productivité dans tous les sens du terme. Donc c'est un peu l'évolution de la machine dans la mesure où il y a quoi 10, 20, 20 ans, on était assis devant notre ordinateur, fallait avoir un lieu fixe pour l'utiliser et aujourd'hui le fait d'y avoir accès essentiellement quand on veut avec les appareils mobiles, ben ça change complètement dans le fond de notre rapport et notre lien avec le numérique qui peut être presque permanent au bout du compte. On est dans un contact, un accès permanent. Je dirais qu'on vous avait dit qu'on était assis, on était une culture de la chaise, on est devenu de plus en plus une culture ambulante. Mais ça va au-delà de là. Il y a quand même une seconde convergence qui est avec cette mobilité et le cloud computing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos informations, nos données, nos fichiers, nos dossiers ne résident plus en grande partie sur nos disques durs, mais dans le nuage, comme on dit, chez les fournisseurs. Et il nous faut en gros un moyen d'y accéder pour pouvoir à la fois échanger, produire et communiquer. Et cette modification, quand même, est assez importante parce que c'est une inversion du premier paradigme qui était celui de la culture de la chaise assise devant un gros écran avec un disque dur énorme qu'on ne pouvait pas transporter. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'accès qui devient primordial plutôt que la machine elle-même qui semble devenir de plus en plus transparente. Oui, qui semble se simplifier aussi. Je veux dire, en fait, tout le monde qui a un certain âge se rappelle dans les années 80, même début 90, on avait accès à nos ordinateurs, on jouait beaucoup plus directement avec l'interface, avec DOS, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on réduit la machine autant dans la taille que dans l'interface elle-même. On simplifie un peu les icônes, les modes d'utilisation. Donc, la machine elle-même s'est transformée. La machine s'est transformée. Il y a une tendance qu'on voit de plus en plus vers la miniature. Mais la miniaturisation, parce que ça doit être portable pour la mobilité et l'ubiquité, mais en même temps aussi, il y a une transformation dans notre manière de travailler. Avant, on avait de gros logiciels de traitement de texte, disons. Aujourd'hui, ces logiciels sont devenus accessibles à travers le cloud, que ce soit avec Google Docs ou un équivalent. Et on voit comme ça comment une transformation à la fois de la technologie et de la technique accompagne et façonne, et en même temps façonné par les usages et les pratiques qui lui sont associées. Et ce qui est important, à mon avis, à mon sens, de retenir, c'est effectivement comment l'interactivité humaine modifie l'usage des outils et des plateformes. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'était peut-être une mécanique qui était plus conçue pour le travail, mais c'est maintenant aussi utilisé comme un outil qui est devenu une espèce de lieu de sociabilité. Ah oui, mon hypothèse, c'est la suivante. On a commencé avec l'informatique personnelle comme traitement de texte, comme objet de travail, et curieusement, c'est devenu le plus grand lieu de sociabilité qu'on ait jamais connu dans notre histoire. Et c'est cette transformation où l'humain se porte vers la technique pour la transformer et surtout pour s'approprier, pour communiquer et socialiser. Et c'est ça qu'il faut étudier et essayer de comprendre, surtout pour essayer de prévoir en partie comment la mutation et les évolutions qui vont venir. Et en même temps, des plateformes comme ça de socialisation, on pense immédiatement à Facebook, ça change un peu ou ça modifie nos rapports entre les uns et les autres, ça modifie nos rapports à l'opinion et le reste, donc ça a un impact majeur. Quel regard on peut porter sur un système comme celui-là? Ah, je crois qu'il faut porter plusieurs regards, il faut être à la fois... que parfois ce sont des plateformes qui sont très puissantes, qui peuvent façonner, même formater l'opinion à cause de la construction de mini-réseaux d'accès. Et en même temps aussi, il y a le danger qu'on soit complètement implanté dans un système où on n'a pas tout le contrôle, que ce soit sur nos données, que ce soit sur nos traces et surtout sur nos relations. Parce qu'en fin de compte, le réseau social, tous les réseaux sociaux, tout ce qu'ils veulent, le premier contenu qu'on nous demande, ce sont nos rapports et nos relations. Et c'est la construction autour de la relation personnelle, individuelle, qui est devenue la valeur la plus importante avec la sociabilité numérique. Et dans ce contexte-là, à l'intérieur de Facebook, il y a aussi les j'aime, les appuis qu'on peut porter à certains éléments. J'ai déjà entendu dans une de vos conférences ou lu dans un de vos textes que vous disiez, mais tout ça aussi, ça apporte une autre dynamique, ça risque d'amener presque une banalisation de l'opinion, une banalisation du vote. Oui, il y a une banalisation, c'est-à-dire qu'on ne cesse que de voter quand on regarde tout. J'aime, I like et ainsi de suite, il y a une généralisation, une sorte de banalisation qui n'est pas un terme péjoratif, mais quand on vote, et du coup quand on peut commence à penser sur le vote classique dans le sens politique du terme, il faut imaginer des interfaces qui accompagnent mais qui en même temps peuvent aider à distinguer entre des votes, des manières de voter, parce qu'en même les enjeux ne sont pas toujours nécessairement les mêmes. Et à l'intérieur de tout ça, quand on regarde Facebook, l'Internet actuellement, on avait dit au départ que ça pourrait être un espace de démocratie, un espace d'accessibilité pour tous, égalitaire et le reste. Mais on peut avoir l'impression qu'il y a quand même beaucoup de hiérarchie aussi dans le web, autant dans les réseaux sociaux que dans les engins de recherche, que dans tout ce qui est numérique au bout du compte. Ah oui, je crois qu'il est vrai que Internet, en tout cas, c'est quelque chose qui a été porté par un idéal du partage et de la transparence, ce qui est absolument la vérité. En même temps, il ne faut pas être idéaliste ou utopiste pour voir qu'il y a toujours une structure de la distinction, une hiérarchie, que qu'elle soit de la compétence ou de la visibilité ou de la notoriété, qui se met en place. On le voit très très bien avec les réseaux sociaux, surtout dans le cas comme Twitter ou Facebook. Je crois qu'il faut essayer de négocier, il faut être vigilant, il ne faut pas du tout être ni utopiste ni pessimiste. Par contre, ce qui est essentiel pour essayer de s'en sortir de ce choix, disons, manichéen, il faut qu'il y ait des compétences, et surtout des compétences qui concernent les enjeux éthiques, les enjeux politiques, etc. cette sociabilité numérique semble de plus en plus se généraliser. Et on pourrait explorer évidemment ces éléments-là ce soir à la bibliothèque Gabriel Leroy en votre compagnie. En route vers la conférence, j'aimerais Milad Douéhi vous laisser peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce qu'on garde de cette discussion qu'on a eue ce matin? Je dirais c'est quelque chose, c'est la technologie et la culture numérique, ce n'est pas notre avenir seulement, c'est également notre présent. Et il faut qu'on l'assume, il ne faut pas qu'on le subisse. Il faut comprendre pour mieux agir et mieux faire avec. Ben Milad Douéhi, titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à l'Université Laval, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, très intéressant, tout ça, ça s'annonce très intéressant. Puis j'ai beaucoup aimé son mot de la fin qui nous invite vraiment à apprivoiser la culture numérique, tout ça, au lieu de la subir, au lieu de voir ça... trop gros, en fait. Trop gros, trop compliqué, c'est peut-être pas si pire que ça. Je pense que tout le monde... Il faut avoir une adaptation, peu importe l'âge aussi. Ouais. De plus en plus, les personnes âgées, je pense juste en un exemple de mes grands-parents qui commencent à avoir Internet, Facebook et compagnie. Donc, c'est juste une espèce de apprivoisement. Oui, apprivoisement. Appropriation. Oui, exactement. On s'apprivoise tranquillement et c'est une réalité aussi. Là. Et en fait, ce sera de belles explorations, je pense, ce soir, auxquelles on convie les auditeurs, auditrices, entre et libre ce soir. Donc, c'est vraiment de venir écouter, de venir discuter aussi avec M. Douéhi. C'est un peu l'objectif des rencontres qu'on propose comme ça à la bibliothèque Gabriel Leroy. Donc, je le rappelle, c'est à 19h ce soir à Gabriel Leroy, c'est à la salle Gérard Martin au deuxième étage. C'est entre et libre. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus, bien, il y a le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Donc, toutes les informations concernant l'activité d'aujourd'hui s'y retrouvent. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir.